Section 10 de La Lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. La Lecture, tome 3e. Section 10. La leçon de lecture. Jean Écart. « Monsieur Jean, vous lirez l'alphabet aujourd'hui. » J'entends encore ce mot qui faisait mon ennui. J'avais 6 ans. J'aimais les beaux livres d'images. Mais suivre ces longs traits qui noircissent des pages, ce n'était point ma joie, et je ne voulais pas. Pourtant, quand je voyais un peu d'écrit, au bas des villes, des bateaux, des ciels, aux blanches nues, j'étais impatient des lettres mal connues, qui m'auraient dit le nom des choses et des lieux. Savoir est amusant. Apprendre est ennuyeux. J'aurais voulu savoir et ne jamais apprendre. Et lorsqu'on me parlait d'alphabet, sans attendre qu'on ait trouvé le livre effrayant, j'étais loin. Ou, qui le sait, l'enclos à plus d'un petit coin, où, parmi le fenouil, le romarin, la mauve, un enfant peut guetter l'insecte qui se sauve, et se sentir perdu comme en une forêt. J'étais là, prêt à fuir dès que l'on m'y verrait. Quand surgissait enfin l'aïeul avec son livre, je glissais par des trous où nul n'eût pu me suivre. Et cherche, bon grand-père, où l'enfant est niché. Un jour on me trouva dans un figuier perché. Un autre jour, prenant au bon moment la porte, j'entrai dans les grands blés du champ voisin, en sorte que j'entendis ces mots derrière notre mur. Il n'a pas pu sortir. En êtes-vous bien sûr? Certes. Le portail sonne et la muraille coupe. Et grand-père ajoutait, je l'attends à la soupe. Comme l'oiseau privé fuit mais retourne au grain, il fallait revenir le soir d'un ton chagrin, dire à mon grand-papa, demain je serai sage. Un jour, monsieur l'oiseau, je vais vous mettre en cage, dit le bon vieux sévère, et vous n'en sortirez qu'après avoir bien lu. Mais mon grand-père, entrez. J'étais pris par le bras comme un oiseau par l'aile. Nos poules, dans l'enclos, piquaient l'herbe nouvelle. Leur cabane était vide, on m'y fit entrer, seul, et le livre s'ouvrit dans les mains de l'aïeul. Et que de fois les gens qui venaient en visite me virent à travers la barrière maudite, et tous riaient, disant « Ah, le petit vaurien !» ou « Le joli pinson !» et « Comme il chante bien !» C'est qu'appuyant mon front aux losanges des grilles, il fallait tout nommer, lettres, accents, cédis, sans faute. Et la prison me fut bonne, en effet, car pour vite en sortir, que n'aurais-je pas fait ? Fin de la section 10.